C'est Skyrock et c'est le Planète Rap. Ça y est, il est arrivé, il est dans le studio de l'émission. Rof, comment va? Très très bien. Est-ce que tu es en forme? En grande forme, ouais. C'est vrai, bien. Très bien, très bien. Prêt à remonter sur scène? Ouais. Grosse tournée qui débute là, à partir du 11 avril avec le Zénith de Paris. C'est ouais. Bizarre d'ailleurs, tu commences par Paris directement, quoi. Parce que généralement, c'est la date qui vient après, un petit rodage, machin. Toi, d'entrée de jeu, Zénith de Paris. C'est bien de commencer par Paris, justement. Mmh. Parce que tout commence par là, tu vois, pour moi. Et j'ai hâte, quoi. Bon, j'ai vu des affiches, il y a des affiches un peu partout. Quand on se balade ici à Paris, en région parisienne, il y a marqué 15 ans de carrière sur scène. C'est ça va vraiment être le fil conducteur de cette tournée. Écoutez, on va faire. Je vais tout chanter. Ouais, j'ai décidé de tout chanter. Non mais quand tu dis tout, c'est-à-dire que tu vas même reprendre le code de l'honneur. Il y aura des passages, tu vois, il y aura des passages. Et voilà quoi, donc on va marquer le coup. Et prévoyez, hein, venez pas en métro, parce que vous allez rater beaucoup de choses. On va brûler le Zénith, on va brûler le Zénith comme personne ne l'a jamais fait. Et là, je suis déter, je suis préparé pour ça. Et ça y est, je vous attends de tout pied en tête. Ferme. Ah, je crois que je vais aller au Zénith à 5h du mat et je vais mettre une petite couette, un petit matelas, je vous attends. Bon, donc c'est le 11 avril au Zénith de Paris, à Palouvre. Mais c'est vrai que tu m'as l'air. Je suis électrique, je suis. C'est comme un combat de boxe, un truc. Exact. Je le prends sous ce ton-là. Ouais, c'est ça, c'est là-dessus. Donc, ouais. Il y a eu un peu d'entraînement. C'est quoi les journées? Ça ressemble à quoi tes journées en ce moment? C'est travailler le show? Je répète, je fais mes affaires et puis beaucoup de sport et puis voilà quoi. Et t'attends le 11 avril, tu rayes les dates chaque jour en disant putain, ça approche. Ouais, j'attends. Bon, début de la tournée, puis c'est pas tout, hein. Après t'enchaînes, puisqu'il y aura aussi le Zénith de Lille le 19 avril, là, ouais. Le 20 avril, Zénith de Nantes, 26 avril, Strasbourg au Zénith, le 2 mai au Dôme de Marseille, qui est pareil, une grosse salle, le 16 mai, Zénith de Caen, 28 mai, Zénith Montpellier, et 30 mai, Metz, les Arènes, pareil, grosse salle. Donc c'est tournée des Zéniths, des grosses salles, hein, pour toi, sur ouais, ce ouais. PDRG Tour. Ouais, ouais. Ce sera la même force sur tous? Tu vas essayer de donner la même force? Toujours. Je donne toujours le meilleur de. Je donne toujours le meilleur de moi-même partout où je vais. Il n'y a pas un public plus petit qu'un autre. Tu vois? Le public n'est jamais acquis, donc toujours faire l'effort, toujours respecter son public. Quoi. Bon, ça veut dire que ce ne sera pas 30 minutes de rof sur scène, quoi. Non. Pareil, non, ce ne sera pas 30 minutes, c'est sûr. La dernière fois, c'était 3 heures. Ouais, c'était 3 heures la dernière fois, c'est ce que j'allais dire. Donc, est-ce que tu penses dépasser ces 3 heures ou... Ah, je pense, hein. Moi, je m'en fous, perso, je suis prêt. Donc. Voilà quoi, juste venez pas en voiture parce que ça va être bouché. Vous allez rater beaucoup. Venez 24 heures à l'avance. Il y aura des surprises, il y aura pas mal de choses. Donc. Bon, tiens, en parlant de surprise, tu nous as apporté une surprise qu'on va découvrir dans un instant. Ouais. Ce soir avant 21h, c'est le Zlatana Remix. Ouais, West Indies Remix. Avec Débrouillard, Kérosène. C'est les numéros 1 de là-bas, ils font partie des patrons de là-bas. Donc on n'a pas pu mettre tout le monde, mais West Indies Remix Zlatana. Tuetimal, Wadada, Madinina. Bon, on va le passer tranquille. On passe tout à l'heure, tranquille. Ouais, moi j'ai reposé un nouveau couplet, donc je vais pouvoir écouter ça tout à l'heure. C'est un titre qu'on peut trouver nulle part pour l'instant. Cadeau. C'est un titre cadeau. Remix cadeau. Le Zlatana Remix qui va arriver avant 21h sur Skyrock. Il y aura des extraits aussi de PDRG. Ça va être quoi d'ailleurs sur la tournée, sur les concerts? Tu vas mettre beaucoup de PDRG ou tu vas vraiment reprendre l'ensemble de tes albums? On va reprendre l'ensemble. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire une espèce de condensé, tu vois, du meilleur de ma carrière et en donner pour tout le monde. Parce qu'il m'est arrivé des fois de mettre des sons à gauche et puis le public les réclamait, tu vois. Donc j'ai tenu compte un peu des remarques et essayer de faire plaisir à tout le monde. Bon, si on se replonge d'ailleurs dans la carrière de Rof et de ta discographie, 99, c'est le code de l'honneur. Ouais. S'il y a un morceau à faire sur scène, c'est lequel du code de l'honneur? À tous. Trop dur. C'est dur, frère. Bon, alors tu sais quoi, on va reciter la discographie, tu vas me filer un petit mot, un souvenir de cette époque. 99, le code de l'honneur, un souvenir, un truc particulier que t'as en tête, soit un morceau, soit un moment d'enregistrement, soit... Oh, c'est pas un bon moment, tu vois, le 99, c'était quand même le décès d'un frère. Et j'étais en train d'enregistrer quand son cousin est venu me la prendre. Donc 99, je pense surtout à ça, moi. Donc c'est pas marqué par un super souvenir hein. Non. Donc plutôt un mauvais truc. Ouais. En 2001, la vie avant la mort. La vie avant la mort, qui est l'exemple? Qui est l'exemple qui m'a présenté au grand public, qui m'a fait voyager pas mal, et qui m'a fait passer du froid au chaud, quoi, tu vois. Ça m'a fait tout drôle. Avec le recul, tu savais que ça allait prendre un tel impact celui-ci, parce que c'est vrai. Pas du tout. J'étais pas préparé, j'étais pas prêt. Donc ça m'a fait bizarre. D'un coup, je me sentais super commercial, tu vois, Ouais. un million de ventes. Toi qui sortais en plus ouais, du code de l'honneur, il y avait eu. Ouais, un million de ventes. Je faisais même les hit machines. Ouais. Je faisais même les hit machines en Allemagne, en Suisse, partout. Ça m'a emmené partout ce truc-là, tu vois. Mmh. J'étais 3 mois numéro 1. Donc effectivement, je peux pas l'oublier. Donc quoi. Ça, c'est quand même un bon souvenir. C'est alors, grave. C'est grave, une époque grave. Particulière parce que tu dois apprendre plein de codes d'un seul coup. Ouais. Ouais. Tu dois t'y faire. Tu dois apprendre sur le tas et voilà quoi. J'ai appris à gérer. Et voilà, c'est un bon souvenir. Ouais. 2004, la fierté des nôtres. Mmh. Écoute, double album, premier double album. Et, donc c'était quoi le challenge, la compétition? Bah ouais, je commençais à enregistrer pas mal de morceaux d'affilée, et puis je voulais faire partager ça avec le public, sans les mettre à gauche. Donc après j'enchaîne en mode, après j'enchaîne. J'ai commencé à avoir la phobie du taf, quoi, tu vois. La boulimie du travail, quoi, tu vois. 2005, ce sera au-delà de mes limites. Ouais, on remet ça. On remet ça, pareil. Double album encore. Ouais, double album. Ouais. Donc pareil, l'ambition c'était quoi? Regretter, Star Focus, tout ça, tous les sons. Ouais. Donc pareil, bon souvenir plutôt autour de cet album aussi. Bon souvenir, ouais. Bon souvenir. 2008, le code de l'horreur, cette fois-ci. Ouais. Après le code de l'honneur, c'était 10 ans après pratiquement. Bah, après la sortie du Heps, après on a. Voilà quoi. On est venu repasser une couche avec le code de l'horreur. 2010, la Quentin. Ouais. Bah, l'album qui a le moins bien vendu. Mais très bel album pour moi, bien écrit. T'as un regret justement là-dessus? Non, pas du tout, je regrette rien. Tu te dis pas mince? Non, je regrette rien. Qu'est-ce que les gens peut-être pas compris? J'ai dû passer par là pour arriver à là où je suis aujourd'hui, tu vois. Et toutes les étapes ne sont pas à négliger ni à mettre de côté, quoi. Tu vois, encore, tu commences à faire des trous dans ta vie. Et puis après, c'est ça aussi une carrière, c'est forcément des albums qui marchent bien, d'autres un peu moins. Ouais, mais franchement, cet album-là, il était avant-gardiste en fait. Parce que regarde, aujourd'hui, les gens disent, oh, dans Mauer, si tu en fait, ouais, si, ouais, ça, le revers de la médaille est terrible, tu vois. Et je dis, ouais, je sais, je suis au courant. mais tranquille. Bah, tranquille, il existe toujours en même temps, cet album, La Cuenta. Ouais. Toujours dans les bacs. Et puis enfin, donc en 2013, est arrivé celui que t'as devant toi, c'est pareil, double album. PDRG, l'album de Rof. Celui-ci. Jamais 203. Le bilan que tu peux faire là, aujourd'hui, juste avant d'attaquer les Zéniths, c'est quoi? C'est plutôt positif celui-ci. Ouais, positif. Retour gagnant. Ouais. Si on peut parler d'un retour. Ouais. Je reprends du service, que des retours gagnants. Non, mais c'est ça, ouais. PDRG, c'est quoi le souvenir que t'as en tête ou ce qui t'évoque, ouais, cet album? J'ai pris mon temps pour écrire cet album, tu vois. J'aime bien vivre, j'aime bien me remettre les choses en place et me renouveler surtout, tu vois. C'était ça l'idée, se renouveler, apporter un nouveau truc et surtout une écriture, qui relate bien ma vie, qui parle bien aux gens, tu vois, qui permet aux gens de s'identifier, même si on n'est pas tous, on mène pas tous la même vie. Mais bien des endroits où on peut se retrouver, quoi. Et c'est ce qui se passe dans ce morceau, tu vois, dans ces morceaux-là, dans cet album. Et voilà, je crois que j'ai choisi les bonnes prods, j'ai bien posé, j'ai fait les bons refrains. Et tous ces morceaux-là sont faits pour la scène, pour écouter, pour la voiture et pour la scène. C'est pas du rap fast-food, quoi. C'est pas les morceaux que tu vas écouter deux jours et on n'en parle plus. Tu vois? Bah là, en l'occurrence, il y a l'Oseille qui sort toujours de PDRG. On l'a écouté pour débuter l'émission. Je sais pas si il y a un clip qui va arriver aussi autour de l'Oseille, si tu bosses pareil sur l'image de l'Oseille. L'Oseille, le clip, il est fait, il va arriver là. C'est Alex Nazari, il va arriver là. On va balancer. Tu veux qu'on balance un morceau? On garde un petit peu le Zlatana remix pour dans quelques minutes? Non, on voit, frère. Ah, tu veux quoi? Ah, ok. On voit, frère. Donc, alors attention, gros exclu maintenant. Extrait. Ouais, gros big up à Débrouillard, gros big up à Kérosène. Et tous les Guadada, Madinina, Guyane. Vous connaissiez le Zlatana extrait de PDRG. Voici le Zlatana remix, West Indies remix maintenant. C'est quand vous voulez, Rock G. Fulek Empire. Zlatana, West Indies, remix. Piranha, les moi, on est complices. Les footeux, les dealers, les petits vieux, les zookers, mon ama, trop de vis. Et te mettre la banana, comme Anna, Nicole Smith. Révèle le confort, ta chatte à coffre fort. Le chat à te faire les poches, pendant que tu rafles le fort. Elle te travaille au corps, pigeonne même les grosses pinces. Elle kiffe ce son qui fait pince, sa nouvelle paire de ins, mince. c'est toujours toi qui rince. Crapule sans les grenouilles, pas les crapauds jouent les princes. Bouti, bouti, musique, préfère l'oseille à ton physique. Palace, boutique, resto chic, voyage, tapis, nage artistique. Elle ressemble à la somme que je n'ai jamais dépensée. J'avoue, elle est archi bonne, elle suce trop bien pour t'en débarrasser. Pour les sales, des touches intéressées, elle est sympa qu'encaisser. L'argent est la fessée, c'est ta fiancée, t'es son financier. Zlatana, bronzage, Punta Cana, Najetana, plus chaud que Rihanna. Toujours marié qu'au bandana, changé qu'on a la montana. Il qu'a braqué Dieu si on fait ça qu'à sembler qu'on caissier. Alors, braquage, mais bon, bon, nous voyons clé. Déjà qu'à foutre mon cadre, n'a pas qu'à ouvrir pote, mais j'ai l'air qu'à ouvrir vite qu'on s'en fiche. Eh ben, panache, panache. Il s'a dit, ouais, ça ouvre tout. Il s'a dit, ouais, qu'à ou qu'à vendre. Il veut fortuner avec gloire. Il veut qu'on donne une Diana. Il just keep on the top. Il fait que vina nos paroles. Pour des taf, si on stick. Si on stick. Pas besoin de faire un script ou sortir pour un banana spliff. Banana spliff. Jeune 4, la trentaine, tous les week-ends tu sors prendre une coupe. Actif et célibataire, t'es pas dans toutes les histoires de couple. Le bel héritage de ton père t'a permis de te payer le petit kérosène. Tu taffes juste pour la santé, mais ton quotidien c'est coup de filet quand ça recomple. Oups, entre deux shoots, t'as repéré son look. Elle dit qu'elle venait de la Guadeloupe, elle peut t'apprendre à danser le souk. Toutes les mêmes, mais là y'a pas de doute, elle est souple dans ta tête, c'est le souk. Tu lui as présenté toute ta troupe, elle te veut pour le reste de ses jours. Mais la Zlatana, elle sait à quoi elle joue, elle est belle. Et toi, banal. Elle marche et toi, tu cours, c'est ta reine. Donc sa parade doit se répéter tous les jours, elle est tienne. T'en es malade comme avant, tu lui fais la cour. Procuration sur tes comptes, normal après tout, c'est ta reine. Tout tes biens tracés. Elle débrouillant. Non, au cas où le business a des problèmes, elle va même te présenter sa famille. Loin des stress de la vie parisienne. Elle connaîtra plus jamais la famine. T'es mort, dévoré par les hyènes. Dur, dur, Zlatana, Zlatana, Zlatana, Zlatana. Quand ça tous les timbales. Hey Giboy. Hey Zul. Yeah. À la kérosène, à l'instant sur ce morceau avec toi, Rof, sur le Zlatana remix. C'est un morceau qui est né comment celui-ci, le remix que, c'est eux qui t'ont proposé? C'est toi qui leur as proposé? Non, c'est moi qui ai proposé, j'y ai pensé. Tu vois, j'étais là dans un délire et j'ai vu que tous les frères entiers se traînent chez Zlatana. J'ai dit pourquoi pas faire un remix comme ça à West Indies, tu vois. Donc tu connaissais évidemment ceux qui cartonnent là-bas, évidemment, dans les West Indies. Ouais, je suis au courant, puis Débrouillard, je le connais. Débrouillard, voilà, kérosène. Puis kérosène, il avait fait une requête, il m'avait demandé. Son management était rentré en contact avec le mien et voilà quoi, tu vois. D'où la naissance de celui-ci, de Zlatana. Cadeau qui est balancé comme ça. Cadeau, cadeau, frère. Juste avant la tournée de Rof en concert, c'est à partir du 11 avril au Zénith de Paris, 19 avril au Zénith Arena. Venez nombreuses, venez nombreuses. Zénith de Nantes le 20 avril, le 26 avril du côté du Zénith de Strasbourg, le 2 mai au Dôme de Marseille, le 16 au Zénith de Caen, le 28 mai au Zénith de Montpellier, 30 mai les arènes. Ouais. Et là tu reviens en plus, je dirais, tu t'es un peu chauffé aussi, t'étais c'est quoi, Congo ou t'es parti là d'un? Ouais, t'es au Congo, ouais. Avec Kerry? Avec Kerry James, avec Frérot. Voilà, c'est une première, hein. C'était une première, c'était la première fois. C'est très bien, très très bien passé. Et au passage, gros bonjour à tous nos frères congolais. Voilà quoi. T'as joué où là dernièrement aussi? Tu t'es baladé un petit peu ces derniers temps? Je revenais de la Réunion, j'ai enchaîné LA, ensuite je suis parti au Congo. Tu vois. Donc c'est à remettre quoi. La prochaine fois on ira chanter à Pointe-Noire, Inch'Allah, Abidjan. Ouais, des dates en ouais, parce que perspective. La tournée, c'est jusqu'au 30 mai, mais peut-être qu'il y aura aussi d'autres dates par la suite. Ouais, ouais, il y a pas mal de dates qui se préparent. Ouais. Qui vont s'ajouter aussi pour, tournée, ouais. Pour le PDRG Tour. On va revenir dans un instant. Tu nous fais un petit live ce soir. Ouais. Répétition avant cette grande tournée des Zénith pour Rof. C'est cette semaine dans Planète Rap entre 20 et 21. Juste avant la pub aussi, je vais vous balancer le nouveau son de Joke. T'as écouté un petit peu de rap français ces derniers temps ou pas? Non, j'ai pas eu le temps, frère. Joke, tu connais? J'ai entendu le nom, mais j'ai pas écouté le rap encore. Major en l'air, c'est le nom de ce morceau. Il a été balancé aujourd'hui. Enfin, un gros carton, ce morceau. On l'écoute tout de suite. Son album arrivera au mois d'avril. On pourra le découvrir prochainement dans Planète Rap. Entre 20h et 21h, voici Major en l'air tout de suite. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. On n'a pas élevé les cochons ensemble, pas soulevé des cochons ensemble, boire solant des poumons ensemble, baisse le rap français dans son ensemble. L'état français juif fait sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet. Négro pour enculer Marianne, faut juste les papiers pour s'essuyer. Négro, si tu veux compter de la monnaie, passe moins de temps à compter tes heures. Que le rap pourrisse dans son cercueil, le prince lui fera porter des fleurs. Envoie ta chagata avec des cœurs, avec l'argent la vie c'est meilleur. On t'aide à devenir un beau cadavre, si tu es un mauvais payeur. Si elle aime pas le rap, Marie la rila, le rap va me payer ma vie, la villa. Cigarillo, vanilla, nila, sur la moula, nabila, bila. Bila, bila, j'ai bon fond, walaï, bila, bila. Terroriste au cristal, parce que je vais faire péter le cristal. On est sur les nerfs. On aime pas ça, on efface la tête. On aime pas ça, nique les paramètres. Négros sont là, négros sont là, mais négros sont là. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. J'déçois pas les tantines, j'compte toujours mes centimes. On fait nos brailles sans filet, sans fille, sans téléphone, sans fil. Le prof d'histoire m'a menti, ta pétasse t'a menti. J'te dirais bien que j'cracherais pas dessus, mais gros j'veux pas mentir. Monte garantie à vie, mais ma vie n'est pas garantie. J'te laisse passer devant, j't'ai ma ton cul, j'encule la galanterie. C'est qu'une question de temps, j'enlève le lent, transforme ça en gâterie. Carquer les pistes sur une Marseillaise, enfant de la patrie. Renoir si tu payes en cash, t'auras sûrement pas de reçu. Les bâtards jouent de la flûte, les putes vont s'asseoir dessus. Plus virulent que le sida, pilote de ligne d'Al-Qaïda. Encore plus sombre que Dark Vador, le père du fils Arachida Ida. On n'est pas ça, on efface la tête. On n'aime pas ça, nique les paramètres. Négros sont là, négros sont là, mais négros sont là. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air, major en l'air, major en l'air, négro, major en l'air, major en l'air, major en l'air, major en l'air, en l'air. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap consacré à Rof avec Joke à l'instant qu'on écoutait. Ça sortira au mois de juin. 4 juin, c'est ça la sortie. Album Ateyaba de Joke. Ah ouais, il tombe le morceau. Bien, t'as bien aimé. Ouais, bien. Joke à l'instant avec Major en l'air sur Skyrock. Rof est notre invité. Dans quelques minutes, on mettra un autre morceau. Beaucoup de réactions aussi sur Zlatana Remix. Ah, peut-être qu'on le repassera d'ici 21h. Ouais, pas de problème. On repassera. Parce cadeau, que... c'est pour vous ça. Donc on va vous le repasser, tranquille. Et autre cadeau, c'est l'album dédicacé par Rof à la question suivante. Quelle est la... Alors, on va mettre toute la discographie de Rof que j'ai cité tout à l'heure. Bon, alors quelle est la discographie de Rof en solo depuis ses débuts? On en a parlé juste en début d'émission. On est revenu sur les différents albums. Vous nous envoyez ça par SMS 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone ou avec le hashtag Rof sur Skyrock. On est entêté. Momo vient de m'apprendre qu'on est entêté. Donc continuez. à balancer. Que je rote, que je pète, je suis top tweet. Voilà. Oui. C'est ça. Le hashtag Rof sur Skyrock. Vous envoyez aussi donc les bonnes réponses à la question. La discographie de Rof en solo depuis ses débuts, elle est depuis 99. Balancez tout ça, vous repartez avec l'album dédicacé de Rof. Qu'est-ce qu'on mettra aussi de PDRG? Une envie particulière? Sur nouveaux amis, instables, ouais, plein de sons. Hein. Tu veux qu'on laisse choisir les gens? Ou tu as envie de choisir ce soir pour la première, comme tu veux? On va commencer par Futurs Nouveaux Amis, quoi. Ok. Après, on laisse choisir. Et bah, bougez pas, c'est dans un instant, juste après ça. Une. Tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et toute la semaine entre 20 et 21, le Planète Rap consacré à Rof juste avant sa tournée, la tournée des Zénith qui débute là le 11 avril au Zénith de Paris. Tu nous as prédit un gros show pour le Zénith de Paris. Ouais. C'est à pas louper, c'est le 11 avril. On va écouter, je pense, un des morceaux que tu vas jouer sur scène maintenant. Mm-hmm. Celui-ci, tu vas le faire. Amis, ouais. Tu vas le faire sur scène? Bah ouais. Quand même. Quand même. J'aurais pas le choix, je crois. Et bon, on va l'écouter maintenant. C'est extrait de l'album PDRG Rof sur Skyrock. Je suis le gardien de mes frères, rappelle-moi Jimoni. Je suis le gardien de mes sœurs, rappelle-moi Tony. Nouveaux amis, nouveaux habits. Compte de trois à la fois, je tire la gueule des nouveaux ennemis. Ces négros se comportent comme des salopes. La tête bloquée dans une schneck, Willy Lalop. Tire en l'air, ils prennent leur fuite comme des antilopes. Laisse-les trotter, crotter et galope. J'fais kiffer mes gars sûrs avant de penser à moi. J'meurs pour eux, nos couilles sont si à moi. Tout ce qui est à moi leur appartient à accepter ma femme. Si je pouvais, je leur prêterais ma voix et mes fans. J'ai pardonné l'impardonnable, surmonté l'insurmontable. Reste de marbre à toute épreuve inébranlable. Amis d'enfance, séparés par le rap. J'ai fait manger mon tour venu, personne m'a dit bon app. T'as pris mes armes pour me caler avec. Je les ai déchargées, tu peux te tuer avec. A mes futurs nouveaux amis, à mes futurs nouveaux amis, à mes futurs nouveaux amis, à mes futurs nouveaux amis. Même dans sa rage, je refuserai ton verre. J'ai même plus à quoi tu ressembles, tellement tu me tournes le dos. A mes futurs ex, amis, à mes futurs ex, amis. Fuck mes futurs ex, amis, fuck mes futurs ex, amis. Je n'ai savouré aucune victoire, aucun plouc du showbiz dans mon répertoire. À ma table, caillis des voyous notoires. Ma ligne est sûre, écoute, bah les co, ils vont faire quoi, quoi. La mentale nous a ralliés. Je suis pas une zoulette, je n'achète pas mes alliés. ROHDZF, le mieux s'accompagne. Choisis les bonnes couilles dans le mauvais panier. Je rejette que ces bouffons qui bouffent à tous les râteliers. J'ai mon équipe, mes outils, ma strict, notre atelier. Pas un salam alaikum sans la main sur le cœur. Je rassure mes bagues, tout je leur fais un petit peu peur. Tu daltonien, je différencie pas les couleurs. Connaissant l'humain, son venin, j'avalerai pas ses couleurs. Je traverse les épreuves, tel un pompier dans les flammes. L'affection d'une mère que je recherche en bas dans les bras d'une femme. T'as pris mes armes pour me caler avec. Je les ai déchargées, tu peux te tuer avec. A mes futurs nouveaux amis, à mes futurs nouveaux amis, à mes futurs nouveaux amis, à mes futurs nouveaux amis. Même dans sa rage, je refuserai ton verre d'eau. J'ai même plus à quoi tu ressembles, tellement tu me tournes le dos. 9-4 Fuck mes futurs ex amis. Tu veux marcher avec nous, prendre de la valeur. Tu sais qu'entre vaillance doit quelques faveurs. On lave pas son honneur en prenant une bonne douche. J'ai ni corps ni auréole, mais je peux t'enfoncer ma fourche. Nique sa mère les jaloux, son père les jaloux. Ton intérieur est mauvais, le mien en cuir rouge. Proliqué, je bouge, j'ai la force du nombre. Plutôt trinquer avec Judas, je fais teaser mon ombre. Me ramène pas des têtes cramées, je reste pas. Je déteste les balances, pour ça, négro, je me pèse pas. Yeah. Tu viens en Zlatana, qu'ici y'a rien à tes crains. Qu'est-ce qu'on t'aise sur le péril, c'est le gaz et qu'elle ne baisse pas. Poto, je prends tes patins sans jamais patiner. Tu passes avant les catins, même quand j'ai grave envie de piner. J'suis né, cas social, faire du sale, ma destinée. Solitaire mais solidaire, elle est vraiment désignée. T'as pris mes armes pour me caler avec. Je les ai déchargées, tu peux te tuer avec. A mes futurs nouveaux amis, à mes futurs nouveaux amis, à mes futurs nouveaux amis, à mes futurs nouveaux amis. Même dans le Sahara, je refuserai ton verre d'eau. J'ai même plus à quoi tu ressembles, tellement tu me donnes le dos. A mes futurs ex amis, à mes futurs ex amis. Fuck mes futurs ex amis, fuck mes futurs ex amis. Fuck mes futurs ex amis. Fuck mes futurs ex amis. 11 avril, le Zénith. On va brûler le Zénith. Et vous entendrez résonner ce morceau dans le Zénith de Paris, puis dans les autres Zéniths aussi de France à partir du 11 avril. Rof en tournée avec Skyrock, Zénith de Paris le 11 avril, futurs nouveaux amis. C'était extrait de l'album PDRG à l'instant. On va faire un live dans quelques minutes. Ouais. Là, tu vas faire un live. C'est... On repassera le Zlatana Remix aussi, je pense. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de demandes, hein, sur le Zlatana Remix. Ouais. On va vous le passer dans un instant. Et juste avant, je te présente Shams de Nantes. Salut Shams. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. Tu connais Rof, évidemment? Bah, bien sûr. Tu sais quoi, James? Tu sais qui? Ouais, ça va. Tu sais qu'il passe le 20 avril du côté de Nantes, au Zénith de Nantes? Ouais, voilà, exactement. Tu y seras peut-être, James. Inch'Allah. On t'écoutera après, c'est parti, session freestyle par téléphone. Ok, pas de soucis. Ah. Ok. Quartia. Ils veulent savoir qui je suis, je suis refait de mon ombre. Égocentré, caro, entrero, ça c'est mon côté sombre. Catégorie poids lourd, non, ils n'ont pas même qu'à Paris. Ils n'ont toujours pas compris que talent n'est pas qu'à Paris. Pareil, rapper, ça donne du style. Moi je les trouve trop la sec. Si demain j'arrête le rap, y'a mes petits peu du tas, gang. Protège les miens, du premier jusqu'au dernier. Défenseur de forteresse, comme même tout tous mes années. Donc on m'attend au tournant, j'ai toutes les solutions. Ils finiront le souffle coupé, Baraba Strangulation. Je traîne qu'avec des vrais soldats loyaux, personne. J'attaquerai au corps pour faire tomber les têtes d'affiches. Soldats du bitume, génération 91. On craint pas le revers de la médaille, qu'il soit d'or, d'argent ou de bronze. Hey, galopin solitaire, ma vie sans fait le tableau. Qui t'a dit que le rap nantais te donnerait pas le baron? Qui t'a dit que le rap nantais te donnerait pas le baron? Ok, Shams, à l'instant. De Nantes, merci à toi, Shams. De rien. Un strud Rof que t'as choisi ici pour freestyler ce soir. Merci à toi, petite dédicace, on peut te retrouver sur le net. Ouais, bah on peut me retrouver sur ma page Facebook. Shams Black Rabza, CHAMS, BLACKRABZA. Sur mon Twitter, @ShamsSpartiate. Et pour les dédicaces, d'abord je voulais dédicacer toute la ville de Nantes. Vas-y, à tous les quartiers nord de Nantes. Moussa, Bourriton, Youssef, Paro, Dexter, Mackenzie, Benz, Mergoul, Cassiné. C'est Massa, tous les frères de Nantes, Wassim, toute l'équipe. Voilà. Naïfa, FK, Benito, Dutacré, Albert, Alash, Simon et tous ceux que j'ai oubliés. Merci à toi, Shams. Ok. Passe une bonne soirée. Et donc, le 20 avril du côté de Nantes pour cette tournée des Zénith Rof avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? On rebalance un morceau? Ouais, vas-y, on balance un morceau. Avant de faire le live, juste avant. Ok. Bah, mais Team Rof, tiens. Team Rof. Ouais, gros big up à Team Rof. Il y a une grosse Team Rof, hein, qui suit, qui envoie des messages. Il y a pas mon public, tous les gens qui suivent depuis le départ. Ouais. Hashtag Rof sur Skyrock, c'est déjà entêté. Vous balancez tous vos messages, ça arrive direct dans le studio. Et on l'écoute maintenant, Team Rof sur Skyrock. S-West, Team R-O-H de chef. Sud au nord, S-West, yes, mon public vous plaise. Sud au nord, S-West, Team R-O-H de chef. Sud au nord, S-West, yes, mon public vous plaise. Je le monte sur scène, comme un pyromane. Je dois essorer mon maillot pour éteindre les flammes. Mon public remplit l'espace, me fait briller comme une étoile. Il est mon plus gros calibre, et moi sa dernière balle. Son Excalibur épais, mais mon bouclier du nez. Une fois décapité, les rageux se prennent la tête. S'invite sur ma page Facebook, on les bannit direct. Et dans la street, on les met KO d'indirect. Les girouettes sont faites pour les mettre dans le vent. Ce n'est pas du rap pour les enfants. Des péchés veulent grandir ici, pas de punchline ainsi fanfan. Ceux qui nous prennent pour des mongols, sachez qu'on est fiers. Dans mon sillage que des cachots s'accrochent à ma montgolfière. Si mes fans me tournent le dos, j'emmerde la France entière. Mon rap a soigné des maladies, médecins sans frontières. On a mangé des bières, maintenant on mange du marbre. Si mon public n'était pas vrai, j'arrêterais le rap. Du sud au nord, S-West, Team R-O-H de chef. Sud au nord, S-West. Gros big up, la team Rof. Sud au nord, S-West, Team R-O-H de chef. Sud au nord, S-West, yes, mon public vous baise. Jazz. J'ai dit jazz. Team Rof dans mon connard. Si, si, vénitieux. J'ai dû arracher des branches que les infidèles. Suce mon beat, j'ai les vieux sur ta zik. J'baisse ta clic, clic, clic. J'ai le public du Paris Saint-Germain. Miami Heat. J'fais pipi caca comme vous. J'viens me casser le mythe. Faire fier, t'es des nôtres. Au-delà des limites, hey, vitri. Traverse les temps comme mes poils. Traverse les gilets des schmitts. La seule couronne est en terre. Ils perdent ma voix en concert. Trop de cartouches, on les fumera jusqu'au chaud. Fais le cancer. Faut être deux pour faire la guerre. Je ne trouve ça ne perd. J'suis l'enfant du terre-terre. Puisque tu l'es de ta mère. Si tu ne sais pas compter, mieux vaut pas nous calculer. Si ton sexe est si long, voici tu peux t'enculer. Adulé, je ne suis. Fuck, fuck l'idolâtrie. Je plonge sur mon public pour faire câlin. C'est la famille. Jazz. Jazz. Jazz. Et tous les frères en Hebs. Jazz lui-même. Harris. Yeah. Côte, côte, genou dans les cordes. On les remplit et ça déborde. On est partout, on se téléporte. Pour pas leur groupie, nous apporte. J'ai les codes de la chenille, de la rue, de l'honneur, de l'horreur et du cœur. En mode Ferrari, starter, démarreur, schumacher, Skywalker, Luke. Il est malsain pour moi de baiser une fan. Look, j'ai vu plus de huc que d'étoilés pour femmes. Les vrais m'acclament, les fraîches me réclament du calme. J'suis marié, elles me disent t'as le droit à 4 femmes. Hey, Freelaps, c'est si l'absurde. S-West, R-O-H-2-F. S-West, mon public vous baise. Jazz, que pour les vrais, hey. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, ça va être le feu, celui-là, gros. Je le sens, je le sens, je le sens. Tu le sens, tu le sens, tu le sens, celui-ci. On va brûler le Zénith, on va le brûler. Zénith de Paris, le 11 avril, les gros concerts. La dernière fois, t'avais 3 heures sur scène. Ouais. Donc ça peut être un petit peu plus. Je sais pas, on va voir. Mais je suis chaud, moi. Écoute, juste préparer les voitures, c'est tout. 11 avril, Zénith de Paris. Ensuite, il y a le 19 avril à Lille. Le 20 avril, Zénith de Nantes. Le 26 au Zénith de Strasbourg. Le 2 mai au Dôme de Marseille. Le 16 mai au Zénith de Caen. Le 28 mai, Zénith Montpellier. Et les arènes de Metz, ce sera le 30 mai pour les premières dates de ce PDRG Tour. À pas louper. Rof, petite répétition maintenant. On fait un morceau en live. Vas-y, on va. Allez, c'est parti. Rock Gito Platine. Un morceau en live. Rof dans Planète Rap toute la semaine. Yeah. Yeah. Catastrophe, ré. Ousli. PDRG. PDRG. PDRG. Je suis de retour. Les vestes se retournent. Sont tous morts dans le film. Chut. Silence, on tourne. PDRG et ce putain de coming soon. J'braque Philippe Rizzoli, obligé la roue tourne. J'fais bugger leur site, les hackers me félicitent. Que je rote, que je pète. J'suis top tweet, Yemen, BG, yes I am. J'suis pas dans les gossips, ni dans le train qui passera sur IM. J'ignore toujours qui est l'exemple, non man. Mon rap épargne pas les petits, tel un curé, amen. J'dépuce les Terminators, j'dérape plus qu'un Raptor. Pas de bling bling, mes abdos, des lingots d'or. J'fabrique encore des classiques, reboot, putain de son kick. Dans la sale gueule qui dégoûte. Enfant du peuple, star du club. Joueur de foot me guette, comme si j'étais la World Cup. Yeah. Fais respecter gros, tu peux pas tester. PDRG, here we go again. C'est mon king, c'est mon king. En mode TT, PDRG. Quand la Bugatti n'est pas là, c'est la fête des Megan. J'pute maître Yoda, Davador en bacon. Grosse équipe sur Ripa, Nasser me réclame. Technique comme Ibra, Rof ceci, Rof cela, Rof menace Booba, SM Kouba, porte ses couilles malgré les coups. Les traites font la zubi, à mes points si si. Dans la main zubi, que j'éteigne mon carci. Prédateur des gorilles, collectionneur de Halle Berry. Confectionneur de métaphores et allégories. Allez Paris, j'suis en mode victoire. Si une meuf te parle de moi, c'est qu'elle n'a pas envie de toi. Mais ROH2F, la légende du peura. J'prends la tête aux zoulettes, puisque toute leur new era. Grand frère des Kaira, j'ai le pouvoir. Lève ton ton verre au PDRG. Sans des amis, you vois. Zénith 11 avril, Ray. On va brûler le Zénith. PDRG. J'arrive du néant, j't'ai passé limite à pas de géant. Ne me compare pas, c'est mécréant. Je les baisse fort, sans le moindre effort, j'suis fainéant, vaillant. J'écoute leur avancée en baillant. Au-dessus de la mêlée, je fais trembler les plateaux télé. J'brille bien, mais ils savent bien que mon crâne est fêlé. Mon sort est scellé, ils se demandent comment on venait à bout. J'garde en otage les jeans envoyés par le marabout. Comme sous pas, j'me ferais peut-être fumer par un ripou. Si je le vois venir, j'lui vide un chargeur dans la cheboue. Respecté partout, y'a de l'amour et de la haine. On s'en bat les couilles tant qu'elle nous aime et qu'ils nous craignent. PDRG Ray. 11 avril Zénith. Yeah. Here we go again. Woo. La rue c'est mon game. Woo. La rap c'est mon game. Woo. Woo. Crise et se faire ken. PDRG. Here we go again. Paris. Marseille. C'est mon game. Le soir. Team Rap Ray. Quand ça crée ma mitèche, la rue c'est mon game. Le rap c'est mon game. Veux pas tester qui c'est ce faire ken. PDRG, here we go again. La rue c'est mon game. Le swag c'est mon game. En mode DT qui c'est ce faire ken. PDRG. Pouvoir, danger, respect et game. Pouvoir, danger, respect et game. Yeah. Pouvoir, danger, respect et game. Yeah. Pouvoir, danger, respect et game. En mode, PDRG. PDRG. Yeah. En mode, PDRG. Les gars, tu peux pas tester. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. PDRG, yeah. C'est le nom de ce morceau que tu feras en live aussi dans les différents zéniths, notamment le zénith de Paris le 11 avril prochain. Ouais. J'ai l'impression que t'es bien prêt, hein. T'es bien chaud pour ce concert, pour cette tournée. J'y pense tous les jours, moi, ce zénith. Rof avec nous toute la semaine, on va faire un petit peu les répétitions. Il y aura du live peut-être chaque soir, entre 20 et 21. Ouais, chaque soir, il y aura du live. Et bah, loupez pas le live. Restez branché, restez branché. Je sais pas si on aura peut-être des exclus, parce qu'on en a eu une grosse tout à l'heure en début d'émission. En fait, je vais t'expliquer. Je voulais lâcher un petit morceau inédit, tu vois. Mais j'ai réfléchi, je vais le faire en live au Zénith. Ah. T'as vu, en direct. Je vais pas l'envoyer. Je vais l'envoyer au Zénith en live. C'est quoi ça, live que t'as fait là récemment? Non, c'est un morceau qui est là, ouais, qui est là. Et bon, écoute, voilà quoi, j'en dis pas plus. Je vais le jouer au Zénith. On peut avoir le nom au moins de ce morceau. Soleil. Soleil? Ouais. Donc ça, tu le prends au Zénith. On se prend la tête dessus. C'est quoi? Ah oui, c'est quoi? C'est quoi ça? Soleil, voilà. Ouais, attends, que voilà, il s'appelle Soleil. Et commencez à tweeter, ça va être le bordel. Donc mettez le hashtag Soleil. Le bordel. Rof Soleil, allez-y. Si vous avez une petite idée de ce morceau, en tout cas, vous pourrez découvrir. Mais c'est un morceau plutôt thème, plutôt quoi? Ego trip. Tu verras. J'en parle pas. Tu verras. En direct au Zénith. Donc voilà. Ceux qui veulent écouter une exclusivité en direct, ça se passe au Zénith. Le 11 avril prochain. Et je vous dis, nous on sort pas des morceaux qui durent deux jours. Voilà. Donc Soleil à découvrir le 11 avril prochain. Si. Me demande à qui t'as envoyé ça. Je sais pas. Bon, balance les attaques. T'as pas eu ton buzz toi ce soir. Ouais, c'est vrai. Tu l'as pas eu, j'ai toute la semaine, j'ai toute la semaine. Ouais, tranquille. Si, je t'attends de pied ferme. Bah, toute la semaine. Moi aussi. On va écouter le. Bah, en même temps, si, regarde le buzz, je l'ai avec ce Zlatana Remix. Parce que ouais. C'est quand même une sacrée exclu aussi celui-ci. Ouais. T'as reposé un petit peu dessus. Ouais. J'ai refait un nouveau couplet. Tranquille. C'est le West Indies Remix maintenant. C'est parti, Zlatana Remix. Fulek Empire. Zlatana, West Indies, remix. Piranha, les moi, on est complices. Les footeux, les dealers, les petits vieux, les zookers, mon ama, trop de vis. Et te mettre la banana, comme Anna, Nicole Smith. Révèle le confort, ta chatte à coffre fort. Le jar à te faire les boches, pendant que tu rofles le fort. Et tes travailles au corps, pigeonne même les grosses pinces. Elle kiffe ce son qui fait bounce. Sa nouvelle paire de ins. Mince. C'est toujours toi qui rince. Crapule sans les grenouilles. Quand les crapauds jouent les princes. Bouti, bouti, musique. Préfère l'oseille à ton physique. Palace, boutique, resto chic. Voyage, tapis, nage artistique. Elle ressemble à la somme, somme que je n'ai jamais dépensée. J'avoue, elle est archi bonne. Elle suce trop bien pour t'en débarrasser. Pour les sales, des touches intéressées. Elle est en bonne qu'encaissée. L'argent, elle a fessé. C'est ta fiancée, t'es son financier. Zlatana, bronzage, Punta Cana, Nagetana, le chauffeur Rihanna. Banana spliff. Banana spliff. Jeune 4, la trentaine, tous les week-ends tu sors prendre une coupe. Actif et célibataire, t'es pas dans toutes les histoires de couple. Le bel héritage de ton père t'a permis de te payer le petit coup. Mais tu taffes juste pour la santé, mais ton quotidien c'est coup de filet quand ça complet. Oups, entre deux shoots, t'as repéré son look. Elle t'a dit qu'elle venait de la Guadeloupe, qu'elle peut t'apprendre à danser le souk. Toutes les mêmes, mais là y'a pas de doute, elle est souple dans ta tête, c'est le souk. Tu lui as présenté toute ta troupe, elle te veut pour le reste de ses jours. Mais elle sait à quoi elle joue, elle est belle. Et toi, banal. Elle marche et toi tu cours, c'est ta reine. Donc sa parade doit se répéter tous les jours, elle est tienne. T'en es malade comme avant, tu lui fais la cour. Procuration sur tes comptes, normal après tout c'est ta reine. Tout est bien transféré à son nom. Au cas où le business a des problèmes, elle va même te présenter sa famille. Loin des stress de la fille parisienne. Elle connaîtra plus jamais la famine. T'es mort, dévoré par les hyènes. Nashitana, Nazlatana, Nashitana, Nazlatana, Nashitana, Nazlatana. Wadada Madinina, Guyane. West Indies Remix. Zlatana, West Indies Remix avec Débrouillard, avec Kérosène également sur ce morceau. Ouais, on va peut-être faire le clip en plus. Hein. Ah ouais, ouais. T'es chaud pour le faire tâte, aussi. Je me tâte, ouais. Bon, les prochaines images arrivent, ce sera l'Oseille. Ouais, le clip de l'Oseille, il arrive. Il arrive là prochainement, et puis la tournée à partir du 11 avril. Juste avant de se dire au revoir pour ce soir, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette et ton DVD Hunger Games. Salut Julie de Nîmes. Oui. Ça va bien Julie? Oui. En forme? Ouais. Bon, je te présente Rof, c'est notre invité toute la semaine. Salut Rof. Salut Julie. Ça va Julie, tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Ah oui. Allez, c'est parti, dès que tu veux, tu dis stop. Excité du côté de Nîmes, Julie, il y a du monde avec toi. Oui, il y a mon mari avec moi. Ah, ok. Posé à la maison, en train d'écouter Planète Rap et le DVD Hunter Games, un des plus gros cartons ciné de l'an dernier qui arrive à la maison du côté de Nîmes. C'est pour toi, Julie. Parfait, merci. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Salut, merci, merci à toi, Julie. Merci, Rof, pour cette première soirée. Que demain de retour. Si. Avec cette grosse tournée, donc, je vous rappelle les dates, le 11 avril, c'est au Zénith de Paris, le 19, au Zénith de Lille, le 20 avril, au Zénith de Nantes, le 26, Zénith de Strasbourg, 2 mai, au Dôme de Marseille, 16 mai, Zénith de Caen, 28 mai, Zénith de Montpellier, le 30 mai, aux Arènes de Metz. toute la semaine aussi dans Planète Rap entre 20 et 21 avec l'album, avec des exclus, avec avec plein de choses tous les soirs de la semaine. C'est répétition de cette grosse tournée à pas louper. Merci à Rock J qui était là, merci à vous tous, merci à toi Rof. Ok, j'ai aidé là, big up. Et demain le retour. Ah bah tiens, demain je vais inviter justement, j'invite la famille justement, parce que Jaïd est là, c'est un ancien de la boxe taille. Je vais inviter Créma Mitesh et mon amigo, petit frérot Sami Sana, le champion du monde de boxe taille. Ils vont venir ici. Eh bah terrible, bah, demain on prendra une petite boxe. Ambiance un peu thaïlandaise. Demain. Non, sérieux, tu l'as vu en entraînement ? Mais bien sûr que j'ai vu en entraînement. Ah bah. Bon bah demain, c'est soirée boxe. Ouais, demain soirée boxe. Ok, mettre les gants. Après, il faut dire en short. Oui. Je te remercie, t'en loupes pas une. Non. Bonjour, moi d'ailleurs. J'allais dire, Difool n'est pas encore là, mais si, je suis mais là. Mais si, en pleine forme. J'écoute Planète Rap depuis 20h, là. Difool, là, son petit t-shirt distinct, si. Ah, t'as vu un peu ? Représente. Équipé. Équipé. Ah, merci, merci pour les cadeaux. Si. Ouais, toute l'équipe est équipée. Et puis, t'as un fan dans l'équipe de ton nouveau son qui s'appelle L'Oseille. Ah ouais, moi j'adore. Ah, Romano encore, hein. Ah, je te vois venir, Romano, je te vois venir. C'est son hymne. Non, non, mais il est bien. Franchement, si un jour tu veux venir nous faire en live, même le massacre, un de plus, gros massacre. Voilà, l'oseille, l'hymne de Romano, c'est nouveau. Peut-être qu'on changera la musique des conseils pas chers un jour. Ce sera l'oseille, le générique des conseils pas chers du matin. Là. Bon. Merci, Rof, en tout cas. Hein. Ah, merci. Le Zénith se prépare, la tournée se prépare et tout ça, c'est dans Planète Rap toute la semaine. Là, tu viens d'Ifolo au Zénith. Au Zénith, est-ce que c'est un jour? C'est un vendredi, non? Fait une émission enregistrée, toi aussi. Ah, putain, voilà. On se fait avoir encore. Une fois quoi. Faut pas louper ça. Ou alors on fait l'émission direct du Zénith. Oui, bah ça va pas être bruyant. On va bien nous entendre. C'est vrai, en tout cas, faut pas rater ça. C'est vrai qu'un concert de rock, ça fait du bruit. Ouais. En tout cas, les répétitions, la préparation du concert, c'est toute la semaine. Tu nous expliques tout ça, tu nous fais vivre tout ça avec Fred. Ok. Dans Planète Rap, le retour, c'est demain, puis tu viendras nous voir dans la semaine aussi. Si. Eh ben merci, Rof. Merci. On te souhaite une bonne soirée à vous tous aussi. Fredo, pareil. Bah c'est parti. Et là, ouais, oui, c'est parti. Là, hein. Radio Libre sur Skyrock en direct jusqu'à minuit avec toute l'équipe qui est là. Oui. Marie, Romano, Cédric, Bruno, Samy, Karim. Ouais. Et vous tous de toute la France, c'est au 01 53 40 30 20 pour nous appeler dès maintenant. Vous faites péter tout ça et on arrive tout de suite sur Skyrock. À toutes. Ciao. Salut Fredo, à demain. Ciao.